Chapitre 5. Si quelque chose eût pu réconcilier Eleanor avec la dissimulation que Davy lui avait imposée, c'eût été à coup sûr la joie un peu brutale, le triomphe presque insolent de Sir Stephen lorsqu'il rentra chez lui. Peut-être l'excellent accueil qu'il fit au prétendu Lindsay eût-il éveillé un vif remords dans ces deux âmes déjà coupables. Mais cet accueil s'adressait à la fortune inopinément revenue bien plus tôt qu'à l'inconnu sous les auspices duquel elle rentrait au bercail. Sir Stephen ne parlait de David Stuart qu'avec un mépris irritant et montrait pour la probité du banquier failli une sorte de railleuse admiration qui ressemblait parfaitement à la plus cynique indifférence. David, habitué à juger promptement les hommes, sut bientôt à quoi s'en tenir sur le compte de son hôte et s'il admira chez ce bel athlète un chef-d'œuvre de nature dans l'ordre purement matériel, il aurait pu deviner ce qui lui avait aliéné le cœur délicat et les sentiments élevés de la femme à laquelle le hasard de ses caprices l'avait uni fort mal à propos. Mais une étrange confusion d'idées, de vœux incomplets, de projets avortés, tourmentait maintenant l'esprit agité, fiévreux de cet homme ordinairement si calme, si résolu, si certain de ses volontés. Il voyait clairement qu'Eleanor n'était pas heureuse, et cependant il était jaloux, oui, jaloux de Sir Stephen. L'amour qu'Eleanor avait eu pour son tuteur, et qu'elle lui avait si naïvement laissé deviner, n'était après tout qu'un amour d'enfant. Savait-il si depuis elle n'avait pas aimé son mari? Les malheurs dont elle se plaignait vaguement pourraient venir de là, non d'ailleurs. Si elle l'aimait, si elle avait aimé cet homme si beau, si brave, le père de ses deux enfants moissonné si tôt par la mort. Elle avait donc arraché de son cœur le souvenir de David, elle avait laissé périr cette affection de jeunesse, dont, mieux avisée, mieux avertie par ses propres sentiments, il eût pu si bien profiter. C'étaient là des pensées déchirantes qui l'emportaient le soir sur sa couche déserte par le sommeil, et le jour dans les longues promenades solitaires devenues tout à coup pour lui un besoin impérieux. Elles étaient suspectes à Lady MacFarlane, qui n'hésita pas un instant à prévenir son frère de ce que disait-elle, le négociant de Québec tramait contre l'honneur de la famille. Mais Sir Stephen n'était pas disposé à recevoir facilement des impressions défavorables à un homme qui venait de faire un millier de lieues pour lui rapporter une dot perdue. D'ailleurs, il ne doutait point d'Eleanor. Vous ne la connaissez pas comme moi, dit-il à sa sœur étonnée. Vous ne savez pas quelle sentimentalité de pensionnaire elle attache à certains souvenirs de son enfance. Je l'ai vu, moi, traité comme s'il eût été son frère, un vieux marin stupide, uniquement parce qu'il avait commandé le navire sur lequel son père et sa mère, alors récemment mariés, passèrent aux Indes. Je l'ai vu inviter à sa table et combler de soins une vieille écossaise, au nez rouge, qui avait assisté à son lit de mort Mrs. Stuart de Dunleth. Et ses fantaisies à l'endroit de son tuteur, qui ne les connaît. Allez, allez, il ne faut pas attacher grande importance à toutes ces innocentes manies. N'importe, le trait avait porté. Sir Stephen, certain au fond que les soupçons de Tib et de Lady MacFarlane n'avaient rien de sérieusement motivé, n'en était pas moins irrité sans en vouloir rien montrer qu'ils eussent pu naître même dans leur esprit. Quant à elle, voyant depuis l'arrivée de Sir Stephen, c'est-à-dire depuis la scène du bosquet de bouleaux, Eleanor moins cordiale et moins confiante avec son hôte, celui-ci plus discret et plus réservé vis-à-vis d'elle, tant de duplicité, tant d'hypocrisie révoltaient leurs vertus. Il arriva sur ces entrefaites que Mrs. Christison, étant venue à mourir, et habita comtesse de Peebles, n'ayant plus aucun intérêt à conserver Dunleith, ce beau domaine fut de réchef mis en vente. Un matin, Eleanor entra, quelque peu intimidée, dans le cabinet de son mari, qu'elle trouva préparant des hameçons pour une pêche qu'il projetait. Surpris et charmé de sa visite, il honora d'un regard bienveillant la jeune femme qui venait à lui, le teint légèrement animé, les yeux brillants d'un secret désir, et la voix adoucie par un besoin de persuasion qui éclatait jusque dans ses moindres gestes. Quelles idées traversèrent le cerveau de Sir Stephen? Nous ne nous chargeons pas de le dire, mais son accueil fut amical, familier, presque tendre. Il félicita sa femme sur le bon goût de sa toilette, lui conseilla d'adopter pour ses robes la couleur de celle qu'il voyait en ce moment et qui lui allait à ravir. Bref, il était clair qu'Assuréus ne demandait pas mieux que de mériter les bonnes grâces d'Esther. Mais il lui fallut qu'Esther, c'est-à-dire Eleanor, mit plus d'adresse à présenter sa requête. Or, elle le déclara tout uniment, elle désirait acheter Dunleth. Rien ne pouvait désenchanter plus soudainement et d'une façon plus désagréable son mari, qui demeura stupéfait. « Vous voulez que j'achète Dunlef ? Et pourquoi donc, je vous prie ? » s'écria-t-il, remis de son premier étonnement. « Non, lui dit-elle à son tour d'une voix déjà fort émue, je souhaiterais acheter Dunlef pour mon propre compte, mais je ne sais comment cela se pourrait faire, et je venais vous consulter. C'est fort obligeant à vous, mais sur mon âme, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. N'est-ce pas bien simple ? Je voudrais acheter Dunlef de mon argent, avec une partie de ce que mon père m'a laissé. » « Ça, » dit Sir Stephen, tournant brusquement son fauteuil pour égaler sa femme entre deux yeux. « Vous me direz peut-être qui vous a mis cette fantaisie dans la tête ? Personne ? C'est un désir que j'ai toujours eu, que j'avais tout enfant, que j'avais encore à l'époque de mon mariage, sur lequel même j'avais pressenti mon tuteur. En vérité, vous auriez bien pu tout d'abord, bien qu'il n'eût pas d'hésité fort nette sur le droit de propriété, lui demander comment une femme mariée pourrait de ses deniers acheter quelque chose. » Vu que la femme mariée n'a rien en propre et que le mari seul dispose des biens communs. Il me reste donc à savoir comment vous achèteriez Dunlef, n'ayant pas ici-bas un farthing vaillant. « Et quoi ? » reprit Eleanor, très étonnée. « Maintenant que ma fortune... »« Votre fortune est la mienne, vous ne comprenez donc pas. Du reste, c'est toujours ainsi. Les femmes n'entendent rien aux affaires. »« Je ne conçois pas en effet. Les biens que mon père m'a laissés seraient à vous. » S'il y avait eu un contrat qui vous les attribua spécialement. Ce contrat n'existant pas, l'argent qui vous est revenu dans ces derniers temps échoua à la communauté. J'étais tenu à le placer de manière à le garantir, et c'est ce que j'ai fait. De ce moment, comme votre mari, j'en dispose. Voilà qui est clair. Est-ce bien possible ? Possible et certain. Je ne puis passer toute la matinée à vous expliquer cela, mais tenez pour bien établi que vous n'avez rien à vous, non pas même cette jolie robe-là qui vous va si bien. Pas même cette chaîne à votre cou, pas même ces bagues à vos doigts. Vous seriez volé demain, et le voleur traduit en justice que si la plainte n'était pas en mon nom, il pourrait très bien sortir de là sain et sauf. Les juges diraient, il n'a pu voler une femme mariée, car on ne prend à autrui que ce qui lui appartient, et une femme mariée ne possède rien au monde. J'ai vu juger quelque chose d'approchant. « Eh bien, » reprit Eleanor, découragée, mais persistant, « si la loi stricte ne m'accorde pas la libre disposition de ce qui est à moi, ne pourrais-je vous demander de m'autoriser à cette dépense ? » Un grossier juron échappa aux lèvres de Sir Stephen quand il se vit ainsi pressé, puis l'ajouta d'un ton fort peu rassurant. « prenez garde, madame. Ma sœur m'a dit des choses assez surprenantes. Si j'en croyais seulement le quart. Je demanderai à Monsieur Lindsay quel droit il vient s'immiscer dans nos affaires de famille. Et s'il l'ose, par le Dieu vivant... » « Tenez, » reprit-il ensuite, passant de la colère à l'ironie, « je vois fort bien de quoi il s'agit. » Vous voulez un château de Douairière, vous voulez être de votre chef, dame de Dunleith. Mais comprenez bien que vos affectations de sentiments à propos de ce tuteur à vous, steward de Dunleith ou steward de Botany Bay, l'accueil extraordinaire que vous faites à son ami, vos soupirs, vos promenades à pied et à cheval, tout cela n'a vraiment pas bonne grâce, cela fait jaser. Il serait temps d'y mettre ordre, et si je me prêtais à cette singulière fantaisie qui vous prend d'acheter Dunleith, on ne jaserait plus, on se moquerait de moi. Est-ce là ce que vous voulez ? C'était la première fois depuis 8 ans de mariage qu'Eleanor entendait mettre en doute son irréprochable conduite. Aussi, l'effet des paroles de Sir Stephen fut-il foudroyant. Elles humilièrent profondément cette âme élevée, dont le mensonge n'avait jamais approché jusque-là, mais qui maintenant ne se sentait plus en état de repousser, comme une injure imméritée, ses allusions blessantes. Elle comprenait qu'elle n'avait pas le droit d'y demeurer insensible, et qu'à cet homme, si injuste et si dur pour elle, le droit de pardonner appartenait encore, puisqu'en définitive, elle l'avait trompé en quelque chose. « Monsieur Lindsay, lui dit-elle fort bas, va partir dans quelques jours. Il compte retourner en Amérique, et de ma vie, je ne le reverrai. Cette familiarité, ce cordial accueil qui me sont reprochés, tiennent à de bien chers souvenirs. Ne permettez pas à votre sœur de les calomnier. Je n'ai rien mérité de semblable. Ne souffrez pas qu'on vous parle en ces termes de votre femme. » Ces paroles si simples avaient en elles-mêmes un tel caractère de sincérité que la colère de Sir Stephen tomba tout à coup. La soumission digne et fière qu'elle respirait n'entrait cependant que pour moitié dans le prompt adoucissement de ce maître impérieux. Le trouble intérieur d'Eleanor avait appelé sur ses joues, ordinairement si pâles, un éclat merveilleux et jeté des ombres charmantes sous les tresses de sa magnifique chevelure. « Allons, allons, laissons-la, ce Lindsay, et bon voyage à lui !» puisqu'il nous quitte si tôt. Laissons là les propos de vieille femme dont on m'a rebattu les oreilles. Un baiser, ma chère, et n'en parlons plus. Croyez-moi, les affaires d'argent ne sont pas de votre ressort. Vous le comprenez, et j'en suis bien aise. Savez-vous, Éléanor, que je n'ai jamais vu de plus jolie femme que vous? Il est bien dommage que le feu sacré manque à une si belle statue. » Un frisson glacial passa dans le cœur qu'il essayait de rapprocher du sien. Éléanor se rappelait le tableau qu'elle avait eu sous les yeux, derrière une croisée de la loge. Elle se rappelait cette belle et fougueuse galloise, sa hardiesse passionnée, Sir Stephen regrettant d'avoir été le père de Frédéric de Clefane, regrettant d'être encore son mari. Elle se rappelait ses deux têtes penchées l'une vers l'autre et cette chaude étreinte mêlée de larmes. C'est ainsi que son mari voulait être aimé. Dans le secret de sa pensée, il la comparait à cette rivale subalterne. Or, un amour pareil, Éléanor ne le pouvait donner. Un amour dont le contraire est une répugnance qui conduit à la révolte. Sous les lèvres de Sir Stephen, ses joues reprirent leur teinte pâle, leur froid de marbre. Il le sentit et comprit à quelle résignation s'adressait son ardeur inopportune. Avec un soupir, il cessa de retenir Éléanor dans l'espèce de prison que ses bras lui avaient faite. Elle hésita un moment avant de se retirer. La pensée lui était venue que peut-être David, même avant de partir, la délivrerait du secret qu'il avait imposé, quand il verrait à quel danger imprévu ce secret les exposait tous deux. J'espère, quelques jours et peut-être avant peu, pouvoir vous prouver que mes relations avec M. Lindsay n'ont mérité aucun blâme, et que rien de ce que vous avez pensé, cela suffit, à merveille. J'ai assez de cet homme et de ses explications. Allez à vos affaires, Éléanor, je vais aux miennes. » Saisissant à ces mots ses engins de pêche, le maître de Penrick Castle quitta la chambre à grands pas. Éléanor, accoudée à une fenêtre, le suivit des yeux. Elle le vit traverser l'enclos et arriver à l'entrée d'un petit bosquet qui terminait l'avenue. Le fils aîné de Bridget, un bel enfant de 10 à 12 ans, semblait y attendre quelqu'un. Sir Stephen lui remit en passant sa ligne et le panier dont il était embarrassé. En même temps, il lui passait amicalement la main sur la tête et tous deux disparurent ensemble sous les arbres. Dunmeth ne resta pas longtemps à vendre. La jolie duchesse de Lanark, entrant un matin dans la chambre d'Eleanor, lui montra une lettre de Lady Margaret Fordyce, sa belle-sœur, qui lui annonçait l'achat de cette propriété. C'était un cadeau de la duchesse Douairière, auprès de laquelle Lady Margaret, profitant des libertés du veuvage, s'était établie à Naples et dont elle soignait assidûment la vieillesse. Il fut convenu que dans la quinzaine, on essaierait une partie de ce côté. Lady Peebles, l'ex-propriétaire, servirait de guide et on examinerait à fond l'acquisition de Lady Margaret. M. Lindsay, dont la duchesse de Lanark appréciait la causerie spirituelle et aux dépens de qui elle exerçait volontiers l'innocente coquetterie dont le ciel l'avait pourvue, essaya vainement d'échapper à cette excursion qu'il prévoyait lui devoir être pénible, sous plus d'un rapport. Il fallut céder, et une fois dans la calèche de la duchesse, faire aussi bonne contenance que possible. Sir Stephen, retenu par quelques soins agricoles, n'était pas de la partie. Pour décrire longuement la vieille demeure des Stuart et leur classique jardin, il faudrait s'assurer qu'on éveillerait chez le lecteur au moins une faible proportion des sentiments qui agitèrent David lorsqu'il se retrouva dans ses allées familières, sous ses bocages connus, le long de ses murs dont chaque pierre lui gardait un souvenir d'autrefois. Les fleurs surtout parlaient haut à sa mémoire. En entrant dans la serre chaude, il reconnut une corette du Japon traînant le long des lambris ses longues branches chargées de jaunes efflorescences. Il reconnut les fils de ses roses que sa pauvre mère mariait et greffait avec tant de soin et qui, d'été en été, livrées à des mains moins habiles, n'avaient plus varié d'aspect et de couleur. Les myrtes étaient restées debout. Au dehors couraient les longs festons de cette fleur espagnole, la granadilla, qu'on appelle aussi fleur de la passion. Autour des degrés qu'on avait descendus en entrant au jardin, les mêmes petites pervenches, les mêmes humbles violettes fleurissaient, aussi serrées que jamais. Et enfin, en plein soleil, au milieu de la grande allée, un épais buisson d'églantiers sauvages. Quand Éléanor et David passèrent ensemble auprès de cet églantier, il cueillit une petite branche dont l'extrémité s'offrait à sa main, et ce simple mouvement le rappela si vite et si bien au temps dont les souvenirs l'assiégeaient déjà de tous côtés qu'il n'y put tenir davantage. La main qu'il avait étendue vers l'arbuste retomba inerte à son côté. Il détourna la tête, s'appuya un moment contre un grillage et laissa échapper une espèce de gémissement. Fort heureusement, à ce moment-là même, Chacun des promeneurs était occupé à sa manière. La duchesse assortissait un bouquet. Lady Macfarlane prenait des notes sur ce que pouvait valoir à Dunleth le droit de chasse. Tib, par habitude, inspectait et grondait. Eleanor seule vit ce geste douloureux, et tout disparut aussitôt pour elle en ce bas monde, tout ce qui n'était pas cet homme et son chagrin. Elle prit sa main, la posa sur son cœur, et doucement inclinée sur cette main qu'elle tenait ainsi. « David Stewart, » dit-elle. « David, mon ami. Cher, bien cher David. » Mais ce fut un éclair. Lady Macfarlane et Tib accouraient par deux allées différentes. « Quelqu'un, » disait-elle, « quelqu'un dans le jardin, du côté de l'hôtel antique. » C'était un débris classique rapporté de Grèce lorsque les marbres d'Elgin étaient à la mode. Oubliant qu'il ne devait pas savoir où il s'élevait, David emmena machinalement Eleanor de ce côté. En effet, au pied de cet hôtel, transformé en cadran solaire, une jeune dame se tenait debout, une jeune mère sans doute, et sa fille encore enfant. À la vue d'Eleanor, cet enfant pousse un cri de joie. La jeune femme se retourne et vient se jeter au cou de Lady Penrhyn. « Mon frère !» s'écrie-t-elle, saluant de ce cri le duc de Lanark, qui hâte le pas pour venir l'embrasser. Tib, la duchesse, Lady Macfarlane l'ont reconnue à la fois. C'était Lady Margaret arrivée à l'improviste. Tandis qu'elle explique, en mots entrecoupés, sa résolution subite, son voyage improvisé, sa traversée, son débarquement, et comment elle a traversé l'Angleterre sans faire halte, sans prévenir qui que ce soit, elle s'arrête tout à coup. La respiration semble lui manquer. Ses lèvres de corail s'entrouvent. Ses yeux s'arrêtent sur le prétendu négociant de Québec. Elle s'avance vers lui, saisit ses deux mains avec un joyeux empressement et la stupéfaction de tous. « Je ne vous savais pas vivant. Je ne vous savais pas en Angleterre, » lui dit-elle. « Sans doute quelques lettres perdues. Ah, David, vous ne sauriez croire combien cette résurrection, combien ce retour me rend heureuse. » Ce seul mot, David, avait tout expliqué. La pâleur d'Eleanor, les yeux grands ouverts de Lady Macfarlane, le sourire triomphant de Tib le disaient de reste. Le duc aussi venait de tout comprendre, et sa présence d'esprit allait dissiper l'embarras de tous. « Margaret, calmez-vous, » dit-il à sa sœur. « Je vous dirai plus tard comment il se fait que, par une délicatesse à mon avis superflue, M. Stewart s'est imposé de vivre en étranger parmi des gens tout disposés à l'accueillir sous son véritable nom. Puisque vous voilà, vous aurez sa place dans ma voiture, et il voudra bien revenir à cheval avec moi jusqu'à la Lanark Lodge. Nous nous retrouverons plus tard les uns et les autres pour dîner. » Les explications étaient faciles entre le duc et David. Elles devaient l'être beaucoup moins entre David et Sir Stephen. Mais le duc, indulgent et spirituel comme toujours, se chargea de cette mission délicate. Malheureusement, il avait été prévenu. Lady Macfarlane, montant elle-même sur le siège du Briscoe qu'elle devait partager avec Tib, avait poussé si vigoureusement son attelage déjà fort vif qu'elle était arrivée à Penrhyn Castle un bon quart d'heure avant la calèche de la duchesse. Et ce quart d'heure n'avait pas été perdu. « Pour le coup, se disait-elle, je tiens mon divorce. » Elle ne le tenait cependant pas encore. Au lieu de lui savoir gré de l'empressement avec lequel elle venait lui apprendre que sa femme avait trahi sa confiance, ce frère mal avisé s'en trouva très offensé. Il ne convenait pas son orgueil d'accepter facilement une insinuation pareille. Avec une imprécation des plus énergiques, il lui demanda si elle croyait bien probable qu'une femme mariée à un homme comme lui allât s'amouracher du premier venu. Mais quand il l'eut ainsi rebuté et malmené, Sir Stephen n'en demeura pas moins fort ébranlé dans ses convictions. Il repassa dans sa mémoire toutes les circonstances qui accusaient Eleanor. Il reprit la lettre qu'elle lui avait écrite pour lui annoncer l'arrivée du prétendu Lindsay. Dans cette lettre, fort courte d'ailleurs, il constata une rature significative. Eleanor avait d'abord écrit « Monsieur Lindsay, envoyé par Monsieur Stewart », puis, surchargeant cette première phrase, elle l'avait ainsi remplacée « Un monsieur Lindsay, de Québec, est ici chargé des affaires. » Puis, enfin s'arrêtant à une troisième formule, « Monsieur Stewart est représenté par monsieur Lindsay », avait-elle mis, dans son désir d'altérer la vérité aussi peu que possible. Devant cette preuve matérielle d'une fausseté que les venimeuses conjectures de Lady Macfarlane aggravaient encore à ses yeux, la colère de Sir Stephen grandissait de seconde en seconde. Au moment où Eleanor rentra chez lui, il venait de froisser dans ses mains le papier menteur, souhaitant au fond de son âme tenir ainsi celle qui avait tracé ses caractères maudits. Quand il la vit entrer, un sourire aux lèvres, son chapeau dénoué, joyeuse au fond, mais embarrassée du secret qu'elle avait à lui dévoiler, si belle qu'elle lui semblait à tout autre, cette fois il demeura insensible à tant de grâce. sa vue fit sur lui l'effet des banderoles éclatantes agitées devant le taureau des lices espagnoles. Il s'élança vers elle, qui hésitait au seuil de la porte. Il la saisit par le bras en la tirant dans la chambre, comme s'il se fût agi d'un enfant rebelle. Durant cette espèce de lutte, le chapeau d'Éléanore tomba derrière sa tête. Ses beaux cheveux se déroulèrent sur ses épaules. Elle poussa un cri, un seul, vibrant, aigu, aussitôt arrêté. Ce cri fit lâcher prise à Sir Stephen. Sa femme alors tomba plutôt qu'elle ne s'assit dans un fauteuil qui se trouvait près d'elle. Elle regardait avec une sorte d'horreur la face empourprée de son mari. « Ah, vous avez peur !» lui dit-il enfin. « Cela se comprend. Vous conduire ainsi, c'est jouer votre vie. » Mais cette fois, devant cette force prête à l'anéantir, devant ces menaces écrasantes, Éléanore ne faiblit point, avec une amertume que le désespoir seul pouvait donner à ses paroles. « Oh ! » répondit-elle, « je n'ai peur de rien. Vous ne pouvez que me tuer. » Puis elle ferma les yeux, et Sir Stephen pensa qu'elle allait perdre connaissance. Mais non. Bien qu'une pâleur livide fût répandue sur ses traits, bien que ses lèvres même eussent pris la teinte et la froideur du marbre, elle parla. Sir Stephen crut entendre un fantôme irrité. « Écoutez-moi, » lui dit-elle d'un ton sévère, et il écouta, immobile. « Je devine parfaitement ce qui s'est passé. Votre sœur vous a répété à sa manière, avec ses idées, ce que vous auriez mieux appris d'une bouche amie. Je sais que j'ai mal agi en vous cachant le vrai nom de M. David Stewart. Je l'ai fait par compassion, par sympathie pour une timidité que je comprenais tout en la déplorant. Je l'ai fait par affection pour un homme qui m'a servi de père. Je l'ai fait parce que je n'y voyais aucun préjudice pour qui que ce fût. Je l'ai fait dans l'entraînement de la joie que me causait son retour inespéré. Je n'ai compris ma faute qu'après vous avoir écrit. Alors il était trop tard. Je ne pouvais plus reculer. » Elle ajouta, mais en précipitant ses phrases jusque-là fort lentes et fort nettement accentuées, « Je n'ai pas autre chose à me reprocher. Vous ne m'empêcherez pas de me réjouir de ce qu'il vit encore, de ce qu'il a réparé en partie les malheurs de sa jeunesse. Aucune violence n'obtiendra cela de moi. Du reste, le duc voulait être le premier à vous parler de tout ceci. J'ai eu tort de le devancer près de vous. » Il l'avait écouté en silence. Il n'avait pas pu ne pas croire ce qu'elle lui disait ainsi, avec un accent que le mensonge n'imita jamais. Aussi n'avait-il déjà plus de colère que contre David Stewart, et lorsqu'il la vit faire effort pour se soulever, il voulut l'aider et la prit par la main. Mais un autre cri perçant, rapide comme le premier, le fit tressaillir. « Ah, laissez-moi, laissez-moi !» dit Éléanore avec un soubresaut douloureux. « Qu'avez-vous donc ? Vous aurais-je meurtri le bras ? Meurtri ? Non, mais je crois que vous l'avez cassé. » « Malédiction ! Éléanore, ne dites pas une pareille absurdité, voyons ! Permettez !» Il passa légèrement le bout du doigt sur ce bras frêle qui pendait haut du fauteuil où Éléanore s'était affaissée. Ce simple examen lui suffit pour le convaincre qu'elle avait raison. Sonner et faire partie un domestique à la recherche du chirurgien le plus voisin ne fut pour Sir Stephen que l'affaire d'une minute. Il revint ensuite, confus et repentant, auprès de sa femme. « Vous ne croyez pas, n'est-il pas vrai, que j'ai voulu vous faire mal? Vous ne m'accusez pas, même en ce moment. Et qui vous parle de cela ?» interrompit Éléanore avec une impatience un peu sauvage. « Qu'importe un peu plus, un peu moins de souffrance dans une agonie ?» « Un bras cassé, qu'est-ce donc de si terrible ? J'ai vu les enfants supporter patiemment bien autre chose. Ce serait la mort. Pensez-vous pas qu'elle m'effraierait ?» Sir Stephen crut un moment que le délire commençait, et il regardait Éléanore avec une sorte d'effroi. « Appellerai-je quelqu'un ? Lui dit-il. « Préférez-vous que je vous aide à monter ? Je monterai seul. Je ne me sens plus si faible. Envoyez-moi Lady Margaret. Que nous venons de vous ramener ?» Et dites-leur, ajouta-t-elle après un instant de réflexion, dites-leur que j'ai glissé sur l'escalier de la bibliothèque. Il faut bien expliquer cet accident.